Bienvenue à Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct, bien sûr, sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 19 octobre 2016 de Mélomanes. Très content de vous retrouver, comme toujours, chères auditrices, auditeurs. Mais tout particulièrement cette semaine, parce qu'on a du bonbon, mais vraiment du bonbon, de la musique très intense au programme ce soir. Parce qu'imaginez-vous qu'on se tourne vers le merveilleux monde de la musique soul, qu'on a quand même visité assez souvent l'émission. On avait entre autres exploré le Memphis Soul de l'étiquette de disque Stax plutôt, il y a déjà un an de ça. Même chose pour le Motown, souvent un hybride de soul et de R&B. On avait aussi dédié une émission au complet au funk, un cousin proche. Et on a aussi entendu, bien sûr, dans plusieurs variés, évidemment. Mais bref, on va démêler tout ça un peu ce soir parce que, comme vous vous en doutez, il y a plusieurs sous-genres de soul qui est déjà lui-même un style qui se mélange à d'autres styles. Quand on parle de soul, on parle de provenance gospel, on parle de jazz, on parle de rhythm and blues, de funk, voire de disco. Donc, c'est une musique qui peut peut-être paraître un peu dur à définir comme ça, mais c'est quand on l'entend qu'on se rend compte qu'elle était là tout ce temps-là, puis qu'on a toujours aimé ça et qu'on la reconnaît instinctivement, la musique de l'âme, avec Mélomane Soul, 99 ans, CFNJ. We'll be right back. change, change, change, change, change. I was born in a city that they call the Windy City. They call it the Windy City because of the Hawk. The Hawk, the almighty Hawk. Mr. Wind takes care of plenty of business around wintertime. The place that I lived in was on a street that happened to be one of the dead-end streets. Well, there was nothing to block the wind, the elements, nothing to buffer them for me, to keep them from knocking my bed down, Jim. I mean, really socking it to me. When the boiler would bust and the heat was gone, Jim, I had to get fully dressed before I could go to bed. Of course, I couldn't put on my goulashes because they had buckles on them, and my folks didn't play that. They said, don't you tear up my bed clothes with some goulashes on. But I was fortunate. As soon as I was big enough to get a job and save enough money, get a ticket, catch anything, I split. I said, one day I'm gonna return, and I'm gonna straighten it all out. And I'm about ready to go back now. So I thought I'd tell you about it. They say this is a big, rich town, but I live in the poorest part. I know I'm on a dead-end street in a city without a heart. I learned to fight before I was six, the only way I could get along. When you're raised on a dead-end street, you gotta be tough and strong. Now all the guys I know getting in trouble, that's how it's always been. The odds are all against you. How can you win? Yeah, yeah, yeah. I'm gonna push my way out of here, even though I can't say when. But I'm gonna get off of this dead end street, and I ain't never gonna come back again. Push my way out of here, even though I can't say when. But I'm gonna get off of this dead end street, and I ain't gonna never come back again. No, no, no, I ain't gonna come back to this dead end street no more. No, 'cause I'm gonna get me a job. I'm gonna save my dough. Get away from here, I ain't gonna come back no more. I'm tired of a dead end street. I wanna get out in the world and learn something. Tired of breaking my back. I wanna start using my mind. 99.1 et 88.9 CFNJ. Walk on by. Wait on Jane Brown, y'all. He's a king of the cold, y'all. He's a king of the ball, y'all. Oh, yeah, oh, yeah. Do you like good music? That sweet soul. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Aimez-vous la bonne musique, la sweet soul music? Arthur Conley qui nous pose la question en ce Mélomanes Soul. Première édition ce soir avec une chanson co-écrite en 1967 par Otis Redding et basée en plus sur une chanson de Sam Cooke, deux gars dont on va reparler bien sûr tantôt. Mais juste avant ça, on a aussi entendu une version complètement unique d'une composition de Burt Bacharach, soit Walk On By par Isaac Hayes en 69. Monsieur Hayes, dont on avait justement abondamment parlé dans notre spécial Stax, dont on était à ce moment-là dans la soul du sud des États-Unis. Contrairement à Lou Rawls, juste avant, un gars de Chicago qui a fait une musique incroyablement intense, comme on a pu s'en rendre compte avec la magnifique Dead End Street, encore une fois de 1967, tout comme le classique Chain of Fools avec Madame Aretha Franklin en personne. Celle qu'on surnomme encore aujourd'hui la reine du soul. Donc, on s'en serait voulu de passer à côté. Et le tout amorcé par ce cher Marvin Gaye de chez Motown, 10 ans plus tard, en 77, avec Got to Give It Up Part 1. Pas le temps pour la Part 2. Une chanson qui n'est pas nécessairement un exemple type de musique soul, même si Marvin Gaye est loin d'être étranger au soul en général. Mais c'était pour nous mettre un peu dans l'ambiance party. Et en même temps, ça me permet de vous rappeler que Robin Thicke et Pharrell Williams ont dû payer 7,4 millions aux enfants de Marvin Gaye parce que le hit Blurred Lines de 2013 a été officiellement jugé trop similaire à Got to Give It Up qu'on a entendu en début de bloc. On en avait entendu parler, mais ça a été confirmé et gagné. Mais ça, c'est leur problème. Nous, on y retourne parce qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent en ce Mélomanes Soul 99 CFNJ. Thank you. sees a girl in a dream. She sees a four-eyed cartoon monster on a TV screen. She takes another puff and says it's a crazy scene. The red is green, she's a tangerine. I'm too high, too high, but I ain't left the ground. I'm too high, too high, I hope I never ever come down. She's a girl in her life, but her world's a superficial paradise. She had a chance to make it big more than once or twice, but no dice, she wasn't there tonight. Non, les braves, j'en aime pas que l'on J'en suive une autre route que bon, tout le monde me dit de moi, sauf les muets, ça va de soi. We'll be right back. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Nothing without a woman or a girl. heavy load. Made me the electrolyte to take us out of the dark. Made me the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Et qui de mieux que celui qu'on appelait le Godfather of Soul ce soir sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ pour justement un beau mélomane soul cette semaine. Et donc le parrain du soul, comme on disait, qui est le même que le père du funk, soit nul autre que James Brown, bien sûr, qu'on a entendu avec les Famous Flames en 1966, nous interpréter It's a Man's, Man's, Man's World, un titre basé sur la comédie classique It's a Mad, Mad, Mad, Mad World, sorti 3 ans plus tôt, qui était précédé de la Soul de Chicago de Curtis Mayfield avec Pusher Man en 72, qui est très représentative des trames sonores de films d'un sous-genre qu'on va appeler le Blaxploitation dans les années 70. On peut penser entre autres à Shaft et Trouble Man d'Isaac Hayes et Marvin Gaye respectivement, qu'on a entendu tous deux tantôt d'ailleurs. Mais là, Pusher Man, ça nous vient du film Superfly avec Curtis Mayfield, donc qui, dans les années 60, avait fait partie du groupe culte The Impressions et qui va avoir une grosse, grosse influence sur la scène jamaïcaine, entre autres. Et sinon, je ne sais pas si vous vous attendiez à entendre du Brassens dans un spécial soul, mais c'est chose faite grâce à Sandra Nkake, une chanteuse contemporaine qui donc se spécialise dans la musique soul moderne et qui le fait très bien d'ailleurs avec sa magnifique version de La mauvaise réputation de 2008. En passant, vous pouvez remercier pour ça mon ami Pat Moore, grand mélomane qui me l'a fait découvrir et qui m'a suggéré plusieurs sélections qu'on va entendre dans l'émission de ce soir, qui est pour ainsi dire une collaboration d'ailleurs. Donc un gros merci à Monsieur Moore. Et sinon, début de bloc avec du Stevie, un peu plus jazzé, Too High, qui nous vient d'un album que je vous conseille ardemment, soit Inner Visions de 1973. Prenez ça en note, Inner Visions, pour connaître le vrai Stevie Wonder. Et tout ça amorcé par les Isley Brothers, toujours en 73 avec That Lady Part 1, parce que, encore une fois, on n'a pas le temps pour la Part 2. Beaucoup trop de belle musique à venir en ce Méloman Soul au 99.1. CFNJ. Dis-le, dis-le moi si tu m'aimes. Dis-le, dis-le moi si tu m'aimes. Dis-le, dis-le moi si tu m'aimes. Dis-le, dis-le moi si tu m'aimes. Dis-le, dis-le moi si tu m'aimes. Dis-le, dis-le moi si tu m'aimes. J'ai connu bien des filles, mais avec toi c'est différent, tout a changé dernièrement. Je ne vois plus la vie de la même manière, tu m'as réveillé d'un très mauvais rêve. Écoute, j'avais peur, j'étais tout seul, c'était la nuit, je m'arrêtais. avec toi, faire le tour du monde, courir dans les villes, marcher pieds nus dans les îles, te voir chanter avec moi sur la scène et oublier tous mes problèmes. J'ai eu peur, j'étais tout seul, c'était la nuit, je marchais dans la ville, puis soudain, du haut d'un édifice, je tombais dans le vide. Maintenant tu es là, c'est comme un nouveau monde.

Otis Redding, à côté de qui on peut pas passer si on parle de soul. Et je vous le donne en mille, c'est précisément le sujet de l'émission de ce soir. Encore et toujours, bien sûr, sur les ondes de CFNJ 99.1 FM pour un autre bloc en ce Méloman Soul qui vient de se terminer avec Old Man Trouble, première chanson de l'album culte Otis Blue de 1965, duquel je vous ai souvent parlé et qu'il faut vous procurer si c'est pas déjà fait. Vraiment un classique du genre qui nous intéresse ce soir. On a aussi entendu un gros hit que vous avez sûrement reconnu, que François Pérusse même avait repris dans les années 90, qui avait transformé en Guy, il y a un Bessic jaune. Mais nous, c'est à la version originale à laquelle on a eu droit, bien sûr, avec Me and Mrs. Jones, gros classique du genre du Philly Soul de 1972. Parce qu'on a effectivement erré du côté plus orchestré du soul particulier qui va nous provenir de Philadelphie, majoritairement dans les années 70. On va en réentendre d'ailleurs dans le prochain bloc, mais là on a entendu juste avant Billy Paul, les Philadelphia Flyers, et pas l'équipe de hockey, mais bien le groupe en 74 avec Run and Hide, qui était précédé du classique Strawberry Letter 23, un genre de dérivé du son qu'on va appeler le psychedelic soul, en fait, parce que les adeptes de soul se sont aussi adonnés au psychédélique à un moment donné. Et on a entendu la version originale de Strawberry Letter, un peu plus rare, de son compositeur Shoggy Otis en 71, parce que la version la plus connue, c'est pas mal celle la plus funky des Brothers Johnson en 77. Et tout ça qui a commencé avec celui qui nous a carrément introduit au soul ici au Québec. J'ai nommé encore une fois ce cher Boule Noire avec Dis-le-moi en 76. Et la deuxième partie de bloc consacrée justement au Philly Soul, soit le soul de Philadelphie dont on vient de parler, mais tout d'abord, pourquoi pas Détroit avec les Dramatics 99.1 CFNJ. Plastic. You know some people are made of wood. Some people have hearts of stone. Some people are up to no good. But baby, I'm for real. Best thing yet. Oh. CFNJ 99.1 et 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. my heart, and each day it grows more and more. I'm not ashamed to come and plead to you, baby. Your pleading keeps you from walking out that door. Ain't too proud to baby. No, no, don't leave me, girl. Ain't too proud to plead, baby, baby. No, don't leave me, girl. Baby, baby, baby, baby, baby. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Do things, do things, do things. know in the world that gonna beat for that beat. Oh, a woman will sell her precious body for a small piece of paper. It carries a lot of weight for that me, me, me, me, me, green, almighty dollar. Talking about. Ha ha! toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ pour un Méloman Soul ce soir, et plus spécifiquement la Philly Soul du Philadelphie des années 70 qu'on vient d'explorer à l'instant. D'ailleurs, pas mal sûr que vous connaissiez celle qui vient tout juste de jouer, ne serait-ce que grâce à la reprise de Simply Red en 89. Mais pas besoin de vous dire que c'est la version originale qu'on a entendue ici dans toute sa splendeur sirupeuse, « If You Don't Know Me By Now », d'Harold Melvin and the Blue Notes, groupe au sein duquel on pouvait retrouver Teddy Pendergrass, que vous connaissez peut-être parce qu'il aussi, il va aussi avoir une carrière solo fin 70, début 80. Mais bref, c'est ça le son de Philadelphie, assez léché. La chanson qu'on vient d'entendre est de 72, mais vous la connaissiez, vous connaissiez sûrement celle qu'on a entendue juste avant, toujours du Philly Soul avec les OJs et le méga succès de 73, For the Love of Money, qui suivait un des groupes vraiment définitifs du Philly Sound, là, les Delphonics avec leur classique Didn't I Blow Your Mind This Time en 69, donc avant tout ce beau monde-là. Et première partie de bloc un peu plus variée avec le soul R&B des Temptations que vous connaissez sûrement de chez Motown à Détroit avec Ain't Too Proud to Beg. Aussi Gotta Make a Move du groupe The Individuals de Chicago en 75 et toujours de Détroit, les excellents Dramatics avec What You See Is What You Get de 1971. Donc le soul du Nord versus le soul du Sud qu'on a entendu en début d'émission. Mais là, on va retourner aux origines un peu avec une légende qui a marqué de son empreinte tout ce qui allait suivre côté soul et R&B. Mais juste avant, on écoute son guitariste d'un temps, Bobby Womack, 99 ans, CFNG. Brother was fine, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman this week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You betcha. Shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman last week. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it. Just like a monkey, yeah you do. With

and happiness. Yeah, something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Hey. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Oh. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Et je pouvais pas vous laisser sans Bill Withers, toujours excellent, mais là, au summum avec l'énorme Ain't No Sunshine. Si vous savez pas ce que c'est le soul avec ça, vous le saurez jamais, parce que c'est vraiment une chanson qui a marqué plusieurs générations et qui est pourtant sortie en 71, un an avant celle qu'on a entendue juste avant, une chanson qui s'est déjà faite qualifier de chanson soul parfaite, du moins celui qui l'interprète est certainement une des icônes, un des incontournables du genre, avec Bill Withers, soit le grand Al Green, avec la magnifique Love and Happiness qui suivait en 71 le classique Have You Seen Her des Cheelights. Et en première partie de bloc, un Français, ambassadeur du soul en Europe, Vigon, avec sa version complètement déjantée du Harlem Shuffle en 67, qu'on a entendu juste après que le temps se soit arrêté, comme toujours, avec la sublime A Change Is Gonna Come du grand Sam Cooke en 64. Une des plus grandes influences de toute la musique qu'on a entendue ce soir. Et tout ça amorcé avec celui qui a été son guitariste pendant un temps, Bobby Womack, avec son classique Across 110th Street en 73. Donc c'est tout pour notre premier spécial soul. Il y en a beaucoup d'autres comme de raisons que j'aurais aimé vous faire jouer, comme Ray Charles et Aaron Neville, mais on les avait entendus la semaine passée. Il y aurait aussi eu Trevor Dane, figure montréalaise très importante dans le domaine aussi. Et il y a aussi toutes les nouvelles formations comme Sharon Jones et les Dap Kings, entre autres. Donc, on y reviendra sûrement, mais en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 20h, pour un autre Mélomane. Et je vous laisse en vous disant que la soul est bien vivante. À preuve, Alabama Shakes, 99.1 CFNJ.